بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الثالث عشر في تفسير كتاب الله تعالى nous sommes donc au 13e cours dans l'exégèse du livre d'Allah le très haut وقد أكملنا في الدروس الماضية تفسير سورتي النبأ والنازعات. Nous avons certes fini lors des cours précédents l'exégèse des deux sourates النبأ ainsi que النازعات. نستمر في هذا الخير إن شاء الله ونبدأ اليوم تفسير سورة عبسة. On continue ce bien إن شاء الله تعالى dans lequel nous sommes et on commence aujourd'hui l'exégèse de Surat Abasa. فَقَالَ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ الْبَسْمَلَةِ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Allah le Très-Haut, il dit, après avoir cité la Basmala, « Abasa wa tawalla » Il s'est renfrogné et s'est détourné. « Anja'ahu l'a'ma » À cause du fait que l'aveugle est venu à lui. « Wa ma yudrika la'allahu yazakka » Et qu'est-ce que tu en sais? Il se peut qu'il cherche à se purifier. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Ou alors qu'il cherche à se rappeler et que le rappel lui soit profitable. سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض عظماء قريش يطمع في إسلامهم ومن المعلوم أن الأشراف والسادات إن أسلموا ترتب من ذلك إسلام كثير من أتباعهم وممن تحتهم. Et donc la cause de la révélation de ce verset, de cette sourate, est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec certains leaders de Quraysh. Il espérait leur conversion à l'islam. Et il est connu que les notables, les leaders parmi les gens, lorsqu'ils se convertissent, alors cela implique, cela va être la cause du fait que tous ceux qui les suivent et ceux qui sont en dessous d'eux vont les suivre, vont se convertir aussi, beaucoup d'entre eux du moins, pas tous. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامهم. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il espérait que ces gens-là se convertissent. فجاء ابن أم مكتوم في ذلك الوقت وكان رجلا أعمى. Et donc ابن أم مكتوم il est venu à ce moment-là et c'était un homme qui était aveugle. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني مما علمك الله. Il disait au prophète صلى الله عليه وسلم enseigne-moi de ce que Allah t'a enseigné, de ce que Allah t'a appris. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يؤخر السؤال إلى وقت آخر لكونه منشغلا بعظماء قريش. Et donc, cet homme, il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait que, donc, Ibn Ummi Maktoum, il retarde la question à plus tard, à un autre moment, parce que le prophète, il était occupé avec les leaders de Quraysh. فَظَهَرَ الْكَلَحُ عَلَى وَجْهِ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam وَأَعْرَضَ عَنْ Ibn Ummi Maktoum فَعَاتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ عَبَسَ وَتَوَلَّى anja'ahu al-a'ma. Alors, le refrognement a apparu sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est alors détourné de Ibn Ummi Maktoum. Allah Ta'ala l'a alors blâmé, et ce par sa parole, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Il s'est renfrogné et s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. ذكر الله تعالى ابن أم مكتوم بعيب فيه وقد تكلم العلماء في هذه المسألة فقالوا إنه لا يجوز ذكر الرجل بعيب فيه إن كان الغرض من ذلك السخرية والتنقص من الشخص. الله a ici dans ce verset, il a cité ابن أم مكتوم par un défaut qu'il a, le fait qu'il soit aveugle, par un manque. Et certes, les savants ont abordé ce sujet. Ils ont dit qu'il n'est pas permis à l'homme de citer quelqu'un par un défaut qu'il a, si ce qui est voulu par là, c'est la moquerie et le rabaissement de l'individu. Allah Ta'ala, il dit dans son livre, « Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. » Ô vous qui avez cru, que personne ne se moque de personne, il se peut que ceci soit meilleur qu'eux. Aucun groupe ne se moque d'aucun, il se peut que ceci soit meilleur qu'eux. Wala nisa ou min nisa, asa an yakunna khayran minhun. Et qu'aucune femme, aucun groupe de femmes ne se moque d'un groupe de femmes, il se peut qu'elles soient meilleures qu'elles. Wala talmizu anfusakum, et ne vous dénigrez pas. Wala tanabazu bil alqab, et ne vous lancez pas mutuellement, ne vous lancez pas des sobriquets. Bi'sal ismul fusuq ba'd al iman, quelle mauvaise caractéristique et quel mauvais nom que la perversité après que vous ayez eu la foi. وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et ceux qui ne se repentent pas, alors ceux-ci sont les injustes. Méditons sur ce verset, les frères, parce que malheureusement, ce genre de versets sont souvent négligés, sont souvent oubliés, particulièrement à notre époque. Quand on a des gens qui traitent les autres comme cela, de sa'afiqa ou autre, injustement, sans aucune argumentation valable, faites attention, cela fait partie des sobriquets. On ne parle même pas des insultes et des mensonges, que tu es un frère de fornicateur, l'attaquer dans son honneur. Il faut faire attention. Quand on dit qu'il faut s'accrocher au Coran et à la Sunna, regardez la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant ce sujet. Amma in kana al-gharad min dhalika an yu'rafa ash-shakhsu li kawnihi mashhuran aw ma'rufan bi hadha al-wasf. Par contre, si ce qui est voulu, c'est le fait de citer la personne par cette caractéristique, parce que celle-ci est connue, cet individu il est connu pour ce caractère, alors il n'y a pas de mal en cela. Allah Ta'ala qui dit « Wa ma yudrika la'allahu yazakka » Et donc, qu'en sais-tu? Qu'est-ce que tu en sais? Il se peut qu'il cherche à se purifier. Ayyutahhira qalbahu min adh-dhunub wa akhlaqahu fayatahassan. C'est-à-dire qu'il cherche à purifier son cœur des péchés et qu'il purifie son comportement et qu'il s'améliore. Les frères, c'est très important le fait que on purifie nos cœurs. Et cela est très important à ne pas négliger. Beaucoup se concentrent sur beaucoup de choses à faire, à droite, à gauche, mais la purification du cœur. Commence par cela, mon frère, purifie ton cœur. Allah Ta'ala qui dit « Aw yadhakkara fatanfa'ahu adh-dhikra » ou alors qu'il cherche à se rappeler et que le rappel lui sera profitable. Et donc qu'il cherche à se rappeler de ce qui lui est profitable. Et donc qu'il en bénéficie. Et ça c'est quelque chose de grandiose, de très important, ô mes frères. En yajlis al-insan ma'a ahli l'ilm, aw tullab l'ilm. فيطهر نفسه من ذنوبه أو يتعظ بما ينفعه فيجتنب ما يضره في دينه ودنياه. Et ça c'est très important, que l'individu s'assied avec les gens de science ou avec les étudiants en science et qu'il purifie son âme de ses péchés ou qu'il s'exhorte par ce qui lui est profitable, et qu'il délaisse alors ce qui lui fait du mal dans sa religion et ici-bas. Ayyuhannas, hadha huwa al-gharad min hadhihi al-jalasat allati naqumu biha kull yawm takriban. Ô gens, ceci est l'objectif de ces assises, de ces rencontres que nous faisons tous les jours. À peu près. Le fait de nous purifier de nos péchés commis et qu'on s'améliore pour éviter ce qui nous fasse du tort dans le futur. Fastafidou minha wa la tufawitu ala anfusikum al-khair. Alors profitez de tout cela, de toutes ces assises. Et ne faites pas en sorte que ce bien-là vous échappe. Allah Ta'ala qui dit Amma man istarna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazakka. En ce qui concerne celui qui se sent autosuffisant, yani bimalihi, c'est-à-dire il se sent autosuffisant par son argent, parce qu'il est riche, ou alors par sa force. Ou alors celui qui se passe de ta guidée, fait anta lahu tasaddar, alors tu vas vers lui avec empressement. Taklubu iqbalahu alayk. Tu recherches le fait qu'il se tourne vers toi. Wa taqbalu alayk. Et tu te tournes vers lui. Wa ma alayka an la yazakka. Or, il ne t'incombe pas le fait qu'il ne se purifie pas. Il ne t'incombe pas le fait qu'il ne se purifie pas. هذا المستغني إن لم يتزكى لست مسؤولا عن ذلك. Cet individu qui se sent autosuffisant, s'il ne se purifie pas, tu n'es pas responsable de cela. لأنه ليس عليك إلا البلاغ. Car la seule chose qui t'impose, c'est de transmettre. La seule chose qui t'incombe, c'est de transmettre la parole de ton Seigneur, Allah Ta'ala qui dit dans un autre verset, « Wa ma'a al-rasouli illa al-balagh. » Il n'incombe au messager que de transmettre. « Wa kadhalika adba'u al-rasoul ma'alayhim illa al-balagh. » De la même façon, ceux qui suivent le prophète, il ne leur incombe que de transmettre. Il ne t'incombe que de transmettre, mon frère. Que de transmettre. Je disais, cela me rappelle une question qui avait été posée à Cheikh Rabi'a, hafidhahullah ta'ala. Un frère qui disait, ya Cheikh, concernant les ruqyas, on a peur que les awam, les gens de la masse, ils se retournent vers les charlatans, les voleurs, etc. Les gens qui vont leur demander de l'argent à droite, à gauche, qui vont leur faire des trucs bizarres. On a peur que les awam se dirigent vers ces gens-là. Est-ce qu'on peut leur faire ruqya? Le chien, il dit, c'est pas responsable. Il dit, ouais, mais c'est pas moi qui les appelle, c'est eux qui viennent vers moi. Le chien, il lui a dit, si les gens viennent vers toi, c'est parce que toi, tu t'es mis à une place où eux, ils viennent vers toi. Ne va pas à cette place-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. Les compagnons n'ont pas fait. C'était pas connu chez les compagnons qu'il y ait quelqu'un, c'est lui qui fait les ruqyas, etc. Et donc, tu n'es pas responsable. Ouais, mes chers, ils vont aller avec les gens. Tu n'es pas responsable. Enseigne-leur le tawhid. Il vient te voir, oui, etc. Enseigne-lui le tawhid. Enseigne-lui que déjà, le fait qu'il est venu te voir, te demander, ça, c'est un manque dans son tawhid. Enseigne-lui ça. Tu n'es pas responsable. Nous ne sommes pas responsables. La seule chose qui nous incombe, c'est de transmettre le message, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla qui dit wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. En ce qui concerne celui qui vient à toi en s'empressant, alors qu'il craint, tout en ayant la crainte, alors tu ne te soucies pas de lui. يَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى وَهَذَا أَمْرٌ مَطْلُوبٌ أَنْ يَخَافَ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ. Cet homme, il a peur de son Seigneur, et c'est quelque chose qui est demandé, que l'individu, que le serviteur ait peur de son Seigneur. فَإِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ هُمُ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِالذِّكْرِ كَمَا رَأَيْنَاهُ فِي سُورَةِ النَّازِعَاتِ. Car ceux qui craignent leur Seigneur et qui craignent son châtiment, c'est eux qui vont réellement profiter du rappel, comme nous l'avons vu dans Sourate An-Nazi'at, et c'est dans la parole d'Allah Ta'ala, إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَ. Certes, tu es un avertisseur pour ceux qui la craignent, donc qui craignent la résurrection. فَإِنَّ الْكَثِيرَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Car beaucoup, ils s'appuient, se basent sur le fait que Allah est pardonneur et miséricordieux. Na'am, sahih, oui, c'est vrai. لَكِنَّ كَوْنَ اللَّهِ غَفُورًا رَحِيمًا لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ شَدِيدَ الْعِقَابِ. Cependant, le fait que Allah est pardonneur et miséricordieux n'empêche pas le fait qu'il soit dur en châtiment. Et donc, il convient au serviteur qu'il craigne son Seigneur. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا. Alors, celui qui a cette crainte qui vient à toi en s'empressant, tu ne t'en soucies pas. فَتَغَافَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِبْنَ أُمِّ مَكْتُومِ لِكَوْنِهِ مُنْشَغِلًا بِعُظَمَاءِ قُرَيْشِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ignoré Ibn Ummi Maktoum à cause du fait que le prophète, il était occupé par les leaders, par les grands de Quraysh. Faqala ta'ala. Allah le Très-Haut, il a dit Kalla. Kalla. Ne fais pas ça. Ne refais plus ça. Fa'atabahu. Et donc Allah, il l'a blâmé. Il a blâmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fabayyana ta'ala li nabiyyihi wa liman ma'ahu min al-mu'minin anna ad-da'wata 'ammatun lil-aghniya wal-fuqara wal-aqarib wa ghayrihim. Et donc Allah le Très-Haut, il a montré à son prophète et à ceux qui l'ont suivi parmi les croyants que la da'wa est générale pour les riches, les pauvres, les proches et les autres. et qu'il n'y a pas de distinction entre un tel ou un autre. وأنه لا ينبغي ترك الذين يسعون في تعلم ما ينفعه ما ينفعهم ولو كانوا فقراء. Et qu'il ne convient pas de délaisser ceux qui s'efforcent d'apprendre ce qui leur est profitable, même s'ils sont pauvres. Allah Ta'ala qui dit: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa face, et que tes yeux ne se détache point d'eux, parce que tu recherches les délices de ce bas monde, et n'obéis pas à celui dont nous avons fait que son cœur soit inattentif à notre rappel, et qui a suivi sa passion, et que son comportement était outrancier. Surat al-Kahf, le verset 28. Et donc cela est très important. Que lorsque tu vas faire da'wah, lorsque tu vas appeler les gens à l'islam, tu ne fasses pas de distinction entre le riche et le pauvre, les proches ou autres. Tu les appelles tous à la vérité. Et celui qui mérite le plus que tu te fatigues pour lui, c'est celui qui cherche la vérité. Celui qui vient à toi, qui veut la vérité, c'est lui qui mérite que tu lui accordes du temps. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit après cela: innaha tadhkira faman sha'a dhakara. Certes, ceci est un rappel. Celui qui veut s'en rappelle. Fahadhihi al-ayat min kitabillah tadhkiratun tudhakkiru al-insana bima yanfa'uhu wa tahuthuhu 'alayhi. Et donc ces versets qu'il y a dans le livre d'Allah, ces versets qu'il y a dans le livre d'Allah sont un rappel qui rappelle à l'individu ce qui lui est important, ce qui lui est profitable, et qui l'incite à l'accomplir, et qui l'incite à accomplir tout cela. Et ce rappel va mettre l'individu en garde contre ce qui lui fait du tort. Comment pouvons-nous ne pas lire ce livre après cela, quand tu sais que ce livre est un rappel et qu'il t'informe de ce qui t'est profitable et qu'il te met en garde contre ce qui te fait du tort? Comment peux-tu délaisser la lecture de ce livre après cela? فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّعِذْ بِذَلِكَ وَيَنْتَفِعَ فَلْيَفْعَلْ. Alors celui qui veut en profiter et s'exhorter, alors qu'il le fasse. وَمَنْ لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَتَّعِذْ. Alors, et celui qui ne veut pas, il ne va pas s'exhorter, il ne va pas en profiter. Il sera châtié pour cela. Et certes, on a déjà expliqué ça dans des cours précédents, c'est-à-dire que l'individu, il a le choix concernant le fait, est-ce qu'il obéit à son Seigneur ou pas? لَكِنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُهُ وَيُجَزِيهِ عَلَى حَسْبِ مَا فَعَلْ. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala va le juger et va le rétribuer en fonction de ce qu'il a fait. مِنْ حَسَنَاتٍ أَوْ سَيِّئَاتٍ. Parmi les bonnes ou les mauvaises actions. وَلَا يُقَالُ إِنَّ الْإِنسَانَ مُخَيَّرٌ لَا يُعَاقَبُ عَلَى مَا فَعَلْ. Et on ne dit pas que l'individu a le choix et qu'il n'est pas rétribué en fonction de ce qu'il a fait. فَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَنَسْتَمِرْ الْأُسْبُوعَ الْقَادِمِ إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ السُّورَةِ. Et donc, on arrête aujourd'hui pour cela. Donc pour cette sourate, et on reprend la semaine prochaine bi'idhnillahi ta'ala avec l'explication, l'exégèse toujours de cette sourate abaissée. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.